Le procès Pétain. Extrait choisi par Dominique Missica. Sixième émission. Audience du 1er août 1945. Neuvième audience. L'atmosphère est tendue. Paul Reynaud est rappelé à la barre pour s'expliquer sur les divergences de son témoignage avec celui du général Weygand sur les événements de juin 1940. Ils sont à deux pas l'un de l'autre. Monsieur Reynaud est placé juste derrière le fauteuil du maréchal Pétain, tandis que le général Weygand faisait face à l'accusé. C'est un véritable duel qui commence. Un duel entre militaires et politiciens. Ils seront renvoyés dos à dos. Avant de rappeler messieurs Reynaud et Weygand, je voudrais, au nom de toute la cour, constater que les militaires et civils se rejettent la responsabilité de l'armistice. Il faut revenir au débat proprement dit. Nous en arrivons à un point où les discussions deviennent un peu inutiles, superflues et oiseuses. En conséquence, je demande que le débat soit à l'avenir sur ce que le maréchal a fait du pouvoir à partir de juillet 1940. Il est grand temps que le procès commence. La défense est entièrement d'accord. Mais je suis obligé de vous poser respectueusement une question. Est-ce qu'il va être encore question du complot dans le réquisitoire de monsieur le procureur général? Parce que si le complot est retenu, nous avons des témoins à faire entendre. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Messieurs, je m'associe pleinement aux paroles de monsieur le président. J'estime qu'il est temps que le procès du maréchal commence. L'armistice est un fait, mais ne constitue pas un des chefs de l'accusation. Et quand le bâtonnier païen me demande « Et le complot ? Abandonnez-vous le complot ?» Je lui réponds « Ce que je n'abandonne pas, c'est l'attentat contre la République qui a été commis le 11 juillet 1940. L'armistice était sinon un crime, une faute. La trahison commence à ce moment-là. Je demande à la Cour de mettre hors du débat tout ce qui est inutile. La question de l'armistice est réglée. Les discussions entre le général Weygand et Paul Reynaud n'ont plus aucune utilité. C'est en toutes lettres dans votre réquisitoire. Non. C'est la préface de l'accusation. Le chef d'accusation est, sinon le complot, du moins l'attentat commis contre la République. C'est un fait établi. Je demande que l'on rentre dans le procès que vous avez à juger. Je demande que l'on examine les faits. Et pour préciser encore plus ma pensée, je demande à la Cour de ne retenir que les faits dans lesquels j'établirai qu'il y a une intervention personnelle du maréchal à partir du 11 juillet 1940. Commençons donc l'examen du procès à partir de cette date. Si vous n'avez rien abandonné, que sont venus faire ici tous vos témoins, Charles? Ne sont-ils pas venus pour étayer la thèse du complot développée dans votre réquisitoire? Vous venez nous dire aujourd'hui, n'en parlons plus. Je m'étonne. Je proteste et je demande à faire entendre tous mes témoins à décharge. Indiquons ici que juridiquement, le complot n'est pas constitué. Il n'y a pas eu concert et secret entre des personnes envie d'abattre le régime. Cependant, le maréchal doit être tenu pour responsable de tous les actes dans lesquels je constate son approbation et son intervention. Qui dit complot ne dit pas attentat. Nuance. Théorie juridique extraordinaire. Le président interrompt le débat entre le bâtonnier et le procureur de peur qu'il ne se prolonge et s'adresse à l'accusé. Le maréchal n'a-t-il rien à dire sur cet incident? On s'y attendait. Maître Izorni demande la parole. Monsieur le président, Le général Végan souhaite faire une déclaration. Bien. Faites entrer le général Végan et Paul Reynaud. J'ai demandé à être entendu quelques minutes, non pour répéter ce que j'ai dit hier sur l'armistice, que je maintiens entièrement, mais pour répondre à Paul Reynaud, qui ne s'est pas contenté de ses paroles à l'audience. Il a consenti à la presse étrangère des déclarations dans lesquelles il a violé l'histoire. Il a insulté des hommes auxquels il a eu recours pendant des moments de désarroi. C'est une simple déclaration. Ensuite, quoi que puisse dire M. Paul Reynaud, je ne dirai pas un mot. Alors, nous vous écoutons. Il m'était impossible de laisser de telles accusations sans répondre. Car qu'eussiez-vous pensé de moi ? Que j'avais tout à me reprocher, or je n'ai rien à me reprocher. Monsieur Paul Reynaud ne s'est pas contenté des paroles qu'il a prononcées dans ce prétoire, d'où sortira la justice. Mais ses accusations, dans les mêmes termes, il les a portées, par une habileté que je trouve remarquable, dans la presse française, dans la presse américaine, dans la presse anglaise. Il me semble que la Cour doit juger très sévèrement un pareil acte. Je demande à la Cour de juger si j'ai hier proféré une insulte contre quiconque. Monsieur le Premier Président, c'est une insulte de dire à quelqu'un qu'il n'a pas un patriotisme suffisant et qu'il a fait passer son patriotisme après ses ambitions et ses rancunes. Ceci est une injure. Eh bien, mon général, puisque ceci est une injure, je suis venu en apporter la preuve. Ah oui. J'ai eu la preuve que le général Végan avait eu une arrière-pensée politique. En captivité, le général Gamelin m'a rapporté ce que le général Végan lui avait dit. Sur le plan politique, il va falloir que cela change. Il faut en finir avec tous ces hommes politiques. Ils ne valent pas mieux les uns que les autres. Messieurs, je demande à la Cour si elle pense que cette attitude de la part d'un homme qui prenait le commandement dans les circonstances les plus tragiques de l'histoire de France, cette attitude qui consiste à porter ses regards vers la politique intérieure et à demander que tout cela change sur le plan politique et que l'on chasse les hommes politiques au pouvoir est compatible avec le sentiment que doit avoir un commandant en chef prenant le commandement de l'armée de la France alors que la France est déjà envahie. Peut-on distinguer la préméditation du général Végan de celle du maréchal Pétain ? Est-ce qu'on peut distinguer entre ces deux hommes arrivés au pouvoir pour faire la même politique, c'est-à-dire pour faire capituler la France? Oui, la France, messieurs. Car tout le conflit était de savoir s'il fallait faire capituler la France avec sa flotte et son empire. C'est bien ainsi que se posait la question. Et je ne puis comprendre que l'énonciation d'un fait aussi simple puisse causer la moindre émotion. Il appartient désormais de savoir si mes affirmations sont vraies ou si elles sont fausses. Ce que les témoins que vous entendrez pourront établir. C'est fini ? Pas du tout. J'en ai pour quelques temps. J'ai appris qu'il avait dit, toujours en juin 1940, que les hommes politiques n'avaient rien compris et qu'il fallait les arrêter. Pas du tout. Eh bien, c'est ici que tout cela se videra et en pleine lumière. Voulez-vous me permettre ? Le général Végan est inculpé, lui, de complot contre la sûreté de l'État. Je crois que cela se videra mieux dans le cabinet d'un juge d'instruction. Ce n'est pas ici son procès, mais celui du maréchal. Il ne faudrait pas s'attarder. Je mets en garde la Cour contre une telle dérive. Je voudrais à la fois donner satisfaction à la nécessité que je réponde, parce que tout de même je ne peux pas rester sous le coup de telles accusations, et en même temps donner satisfaction au désir très légitime exprimé par le procureur général. Les choses exactes, je les ai écrites. les choses inexactes. Ce sont les propos du général Gamelin que j'ai démenti de manière formelle, car véritablement, je ne suis pas né d'hier. Ce n'est pas le général Gamelin que je prendrai comme confident. Voici ce que je veux dire en terminant. L'échange de vues, si je peux m'exprimer ainsi, entre Paul Reynaud et moi, a été à peu près jusqu'au point où peut aller la violence tempérée par une bonne éducation. Messieurs, tout cela s'explique. Monsieur Paul Reynaud a appelé, dans un moment de détresse où ses épaules trop faibles étaient incapables de supporter le poids dont elles étaient avidement chargées, le maréchal Pétain et moi, bien heureux de nous trouver. Quand on est avide d'autorité, on doit être avide de responsabilité. Il n'a pas osé le destituer le moment venu. Monsieur Paul Reynaud, au lieu de continuer dans la voie où il avait estimé trouver le salut de la patrie, s'est démis. Et comment ? S'étant démis, il a demandé à ce que ce soit le maréchal Pétain qui prenne le gouvernement, alors qu'il savait que ce qu'il vient d'honnir au point que vous avez entendu était nécessairement la solution que prendrait le maréchal Pétain. Dans cette affaire, M. Paul Reynaud, président du Conseil, dans des circonstances graves, a fait preuve du crime le plus grave que puisse commettre un chef de gouvernement. Il a manqué de fermeté et il n'a pas suivi les grands ancêtres, certes pas. Et maintenant, après tout ce qui s'est passé, il ose dire ce qu'il dit et nous accuser, nous, des hommes comme nous, de trahison. Ah, messieurs, non. J'ai terminé. Et maintenant, quoi que je puisse dire, monsieur Paul Reynaud, je ne prolongerai pas ce débat. Tu te calmes, monsieur le président. S'il vous plaît, monsieur Reynaud, je vous demande de ne pas répondre. Restons-en là. Le général Végan se retire en saluant ostensiblement le maréchal, toujours impassible. Reynaud se rassied, furieux, en concluant que le débat ne fait que commencer. Le général Hering, ancien gouverneur militaire de Paris, cité par la Défense, vient à la barre. Il a bien connu le maréchal à l'école de guerre et à Verdun, ce qui ne semble pas intéresser le président Montgibaud, qui lui demande d'abréger. Maître Isorni se dresse sur son banc. On a attaqué le maréchal sur sa politique militaire, on a dit qu'il était responsable de la défaite, on a dit que Verdun était une fausse légende. Est-ce que nous avons interrompu M. Paul Reynaud à ce moment-là ? Je ne refuse pas d'entendre les témoins. Je leur demande d'abréger. Poursuivez. Le maréchal n'était pas défensif par tempérament, ainsi qu'on l'a prétendu. Il était prudent. S'il a voulu rester en France, c'est pour éviter le sort de la Pologne. Voilà le but. Et vous retrouverez dans cette réponse même son caractère profondément humain. Malgré les sacrifices que nous devions subir pour éviter ce pire, malgré les souffrances morales du maréchal, il est toujours resté le poignet souple et la pointe en ligne, avec une lucidité parfaite. Sa politique a été raisonnable et humaine. Elle a permis à la France de durer, de vivre tant bien que mal pendant 4 ans, et elle a permis à nos alliés de préparer leurs armes. Elle a rendu possible la libération, c'est un point capital. En 1940, les mêmes causes ont fait surgir 2 hommes, dont les rôles ont été également complémentaires. Le maréchal Pétain et le général de Gaulle. La Providence les avait très bien choisis et elle avait mis chacun à la place qui lui convenait le mieux. Nous devrions lui en être reconnaissants. C'est terminé. Si le général de Gaulle était le si grand serviteur que vous dites, pourquoi le maréchal Pétain l'a-t-il fait condamner à mort ? Était-ce une nécessité politique ? D'autres plus qualifiés que moi vous en parleront. Et ils vous montreront en particulier les annotations que le maréchal a mises sur le rapport qui lui a été adressé au sujet de la condamnation du général de Gaulle. c'est la couronne sur un cercueil. Laissez-moi protester contre cette formule, car vous ne connaissez pas cette annotation dont parle le général. Moi, je la connais, et je vous la lirai. Il s'est opposé à ce qu'une suite quelconque fût donnée à la procédure et à la condamnation à laquelle vous faites allusion. Plusieurs jurés demandent la parole. L'un d'entre eux, M. Pernet, conteste le caractère profondément humain du maréchal. Le témoin peut-il me dire alors ce qu'il pense des poursuites faites contre les Juifs, ce qu'il pense des perquisitions, des livraisons d'otages, des tortures, des fusillades et des fours crématoires? Puisqu'il y avait un chef de la France, que ce chef avait encore le droit et le pouvoir d'agir, pourquoi a-t-il laissé faire cela? J'en resterai dans mes connaissances absolues. J'étais à Clermont-Ferrand où se trouvaient de très nombreux étudiants alsaciens réfugiés, sans fortune ni moyens. En leur nom, je suis allé voir le maréchal Pétain en présence de Pierre Laval. Pétain m'a dit, on voilà assez, arranger cette affaire. Je dois reconnaître que Laval l'a arrangé. Quand ce dernier est sorti, le maréchal a dit, on ne me comprend pas, je n'ai jamais demandé ces monstruosités, toutes ces vexations, ces brimades. Je voudrais ajouter, il était si peu collaborateur qu'il détestait Hitler. Et c'est un Alsacien qui vous le dit, parce qu'il le sait. Pourquoi le maréchal a-t-il dit « Dans l'honneur et la dignité, j'entre dans la voie de la collaboration » ? Je ne sais pas comment il l'a dit. Il ne l'avait pas ajouté, mais par avance, il nous avait dit quel était son sentiment à l'égard du mensonge qui nous a fait tant de mal. Comment conciliez-vous ce mensonge qui nous a fait tant de mal avec la phrase que je viens de répéter? Une citation me vient tout de suite à l'esprit. Elle est de Churchill, qui a dit et écrit « Pour arriver à tromper l'ennemi, il faut quelquefois tromper un peu son pays. » Je vous laisse méditer ce point. Et c'est quelque chose d'impressionnant quand on pense au rôle qu'a joué le maréchal. Et puis, si on veut bien se mettre à sa place, voyez-vous cette situation inextricable? Je crois que personne ne s'en serait mieux tiré que lui. Voilà mon opinion. Évidemment, il y a des choses qui vous paraissent extraordinaires. Il y a des personnes qui ont cru, de bonne foi, que le maréchal était entré dans l'honneur et la dignité, dans la voie de la collaboration. Et qui l'ont suivi dans cette voie, dans laquelle il les avait invités à s'engager. Voilà où est le problème. Voilà ce qui est grave. Voilà ce qui a créé cette atmosphère délétère dans laquelle nous vivons encore. C'est là l'équivoque. De même, vous nous avez dit, le maréchal avait une grande connaissance des hommes. Comment cet homme, qui avait une si grande connaissance des hommes, a-t-il pu accepter de prendre comme collaborateur immédiat, je ne parle pas de Darnan, qui est un assassin, mais Laval? Au début, M. Laval lui avait été recommandé par M. Doumergue, qui lui avait dit, c'est un homme qu'il vous faudra un jour. Il s'est aperçu au cours d'expérience que M. Laval l'avait peut-être trompé de bonne foi, mais il l'avait trompé. Il n'en a plus voulu. Mais malheureusement, à ce moment-là, c'est l'Allemagne qui a mis son veto. Alors, que pouvait-il faire? S'en aller? S'il s'en allait, c'était la France livrée aux vainqueurs. Deux généraux déposent à leur tour assez longuement. Ils font de véritables cours de stratégie militaire pour démontrer que l'armistice était inéluctable. Au beau milieu de la déposition du général Vautier, qui s'apprête à parler de Pearl Harbor, le président l'interrompt. Cela n'a peut-être pas un lien direct avec le procès. Je ne crois pas que du côté de la défense, il y ait une objection à ce que je vous demande d'abréger. Ces dépositions semblent agacer l'accusé, qui sort de son silence à la stupéfaction générale. Assez de technique. Sur ce, l'audience est rapidement levée. Demain, 10e audience. C'était le procès Pétain. Extrait choisi par Dominique Missica. Sixième émission. Le président Mongibaud, Gabriel Ledoz. Le procureur général Mornay, Jean Bollery. Pétain, Roger Dumas. Le bâtonnier païen, Philippe Le Denbach. Maître Isorni, Laurent Cléry. Paul Reynaud, Bernard Alouf. Général Végan, Georges Clès. Général Hering, Fernand Guillot. Juré Pernet, Alain Fromager. Narration, Hélène Losseur. Bruitage, Sophie Bissens. Assistance technique et montage, Clotilde Thomas. Prise de son et mixage, Olivier Dupré. Assistant à la réalisation, Benjamin Hu. Réalisation, Étienne Vallès.